Bonjour et bienvenue à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio. Je m'appelle Mathieu Plante et on est ensemble pour une heure chaque lundi pour compresser les chroniques CNX diffusées dans Assemblage Requis qui est du lundi au jeudi de 15h à 17h. Hein, c'est vrai. Et cette semaine, on fait un récapitulatif de la semaine du 14 septembre avec Autour du Net, Nouvelles du Futur, Utilitruc et Le Fil. Tout ça en plus des nouveautés en magasin et de musique de jeux vidéo, mais on commence en musique tout de suite. Voici Vanesse Pariétaire. Et le filet et l'abîme, vous êtes au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. La pariété. Vanessa Parietar et le filet et l'abîme, c'est tout nouveau dans le palmarès francophone de C'est fou. Vous êtes à CNX.zip, l'émission qui compresse les capsules CNX diffusées dans l'assemblage requis. Et on commence avec celle de lundi. Voici Autour du net. Lundi. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX Key1, c'est le tour du net. Donc, on va parler de choses qui se sont passées cette semaine sur Internet. C'est bien, hein? Oui. Je vais te tenir au courant des nouvelles affaires que le monde aime aller voir. Vas-y, informe-moi. Bon, commençons par, une vidéo, d'accord, qui vient de Jeff Mintner. Il a posté presque une heure de vidéo d'un rassemblement de gens. C'est le boot de l'Amasoft à quelques genres de foire d'ordinateurs des années 80. Donc, ça vous montre, c'est comme un regard nostalgique sur ces événements d'il y a des décennies, remplis de coupes de cheveux bizarres, de chandails vieux jeux, de Genesis, non seulement la console, sûrement même plus le band qui joue dans la trame sonore. Mais vous allez voir, c'est vraiment comme un retour en arrière des jeux vidéo là, au début. C'est vraiment cool. C'est sur gamesetwatch.com. Des jeux vidéo comme Batalix, Mama Lama et Attack of the Mutant Camels. Les chameaux mutants. C'est quelque chose, comme vous voulez. Allez voir ça sur assemblagerequis.com, il y a le lien. Via le site de Dominique Arpin, on apprend qu'il y a un an et demi, Karen a rencontré un homme dans un bar du Danemark. Ils ont eu une aventure d'un soir. L'homme est disparu le lendemain et 9 mois plus tard, la jeune femme accouchait d'un petit garçon prénommé Auguste. Dans une vidéo qu'elle vient de mettre sur YouTube, la femme demande au père de la contacter. Elle a même créé un site spécialement pour l'occasion qui est karen26.mono.net. Tout indique que cette histoire est bidon et qu'il s'agit d'une campagne de marketing virale. Pour qui ou quoi, c'est ça la question. Il y a des gens qui spéculent que c'est pour l'office de tourisme du Danemark. Ah! Donc, allez voir la photo et si vous identifiez, peut-être que c'est vous, le père. Qu'en sais-je? Allez voir ça. Pas mal intéressant. Vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle version de Facebook. En tout cas, c'est disponible si vous avez un compte en anglais. Hein? La version anglaise et la version, je crois, en Inde aussi de Facebook. C'est Facebook Lite. Lite.facebook.com. Ils ont lancé ça. C'est une version plus cheapo, genre avec moins d'animation, moins de choses qui bougent partout, moins de publicité. C'est pour les gens qui ont une connexion Internet moins rapide, okay. Ce genre de truc-là. Vous pouvez l'essayer si ça vous tente de mettre votre Facebook en anglais, mais une autre chose qui est disponible aussi, c'est des nouveaux dialectes. Un peu comme Google fait encore aujourd'hui, c'est d'avoir des versions en français, en anglais, en espagnol, mais aussi des versions blagues, comme Porky Pig ou une version pirate. Avec des R entre les deux mots, tu sais. Ben, Facebook, ce qu'ils ont lancé, c'est la version à l'envers. Donc, le texte est écrit à l'envers. Tu choisis la langue anglais upside down, genre. Et puis, c'est ce que ça fait. C'est drôle. Mais, comment on fait pour lire? Ben, on se vire la tête à l'envers. Ah, okay. Ou sinon, on fait comme dans les livres, dans le bon vieux temps, avec le miroir, peut-être. Ah, okay, mais là, à l'envers, ça marche pas avec le miroir, par exemple. C'est peut-être plus deux miroirs qui reflètent le... En tout cas, c'est cool. Hein? Allez voir ça. C'est sur assemblagerequis.com pour lire l'article. Tiens, une publicité télé pour le nouveau Windows 7. Vous connaissez peut-être la prochaine version de Windows qui s'en vient, Windows 7. Cette publicité-là pour Microsoft, apparemment, met en vedette Kylie, qui est une jolie petite fille. Hein? Allez voir ça, elle parle de... En fait, elle est sur l'ordinateur. Puis elle montre des citations de différents sites qui disent comment Windows 7 s'est bien fait. Fait que là, ben, elle essaie de tant bien que mal de répéter ce que les mots disent en regardant l'écran. Puis elle fait... C'est tout cute, c'est vraiment cute. Ah oui. Vraiment, pour une pub de Microsoft qui d'habitude est vraiment merdique côté pub, là. Dans ce cas-ci, ça fait cute. Je pense que le monde va aimer ça. Ça vaut la peine d'aller la voir. Ouais, allez-y, il y a même une pouliche. Une pouliche? Une pouliche! Là, tu viens de me gagner, là, c'est sûr, je vais aller voir. Il y a des petits chats dans des guimauves, il y a un petit hamster avec un chapeau. C'est vraiment cute. Elle a comme fait un genre de PowerPoint, tu sais, avec ces affaires-là, puis là, t'as des citations qui apparaissent, puis des petits lapins, puis c'est drôle. Wow. C'est super cool. Tiens, A1, qui est un gars qui vient de faire du bricolage. Il est très, très, très ambitieux, ce gars. Il a construit un Link, comme dans les jeux Zelda, là, le personnage de Link, qui est habillé en vert, en papier, mais grandeur nature. Donc, de sa grandeur à lui. Vraiment génial. Et il y a même, il y a quoi, 10 vidéos et plein de photos à voir. C'est vraiment très compliqué, comment qu'il a fait ça. Mais il montre le processus détaillé. Allez voir sur assemblagerequis.com. Ah, tiens, ici, j'ai un extrait audio. Un petit un support auditif, comme on l'appelle. Hein? Ici, c'est sur le site cotkey.org. Vous connaissez peut-être l'application iPhone T-Pain. En fait, j'explique si vous connaissez pas ça, l'autotune. C'est pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, là, tu sais. Ouais, genre. Mais avec l'autotune, dans différents logiciels de son, on peut ajuster la voix, comme Cher, tu sais, dans ses chansons Cher. Okay, ouais. Ben, tu programmes où doit se rendre sa voix, et puis ça la fait arriver là par moyen électronique. Le gars l'a testé sur son bébé. Je trouvais ça drôle. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. T'entends-tu le R? Ouais, c'est ça, l'autotune. Je vais laisser continuer pendant ce temps. C'est son petit-fils, Oli. Sinon, il y a une galerie de photos par Howard Schatz qui est de boxeur avant et après s'être battu. Oh, ouais. Elle a même fait de voix sur une pièce remixée de Jésus Ben 400 livres. Je sais pas si ouais, je pense que je sais de quel tu parles. Ah ouais. J'aime ça, moi, ça. C'est vraiment bon. Ouais. Donc, des boxeurs avant et après leur bataille, allez voir comment leur nez s'amoche, comment leurs yeux, il y a des craques là-dedans, il y a du sang qui coule, puis tout ça. C'est vraiment une comparaison avant et après, c'est tout ce que c'est. Le quiz Cheese or Font. On va s'essayer avec ça. C'est très simplement un test culinaire et typographique. Hein? Vous devez différencier, est-ce que c'est le nom d'une police ou est-ce que c'est le nom d'un fromage? Hein? Antoriro, c'est quoi, un fromage ou une police, tu crois? Attends un petit peu. Comment, répète-le. Antoriro. Antoriro. Je dirais une police. On va cliquer dessus sur police. OK, attends. Je pense que j'ai gaffé un peu. OK, vas-y avec Rubens. Rubens. Qui sur le bon. Mais là, c'est sûr que c'est pas évident parce que, tu sais, on connaît pas tous les fromages à travers le monde. Mais bon, je vais guesser Rubens. Un fromage. Un fromage. Ça dit, bonne réponse, Rubens, c'est un type de fromage et 41% des personnes qui ont répondu l'ont réussi. Donc, il donne le résultat de... vas-y avec Bembo, un autre. Bembo. Ben, j'aimerais vraiment ça qu'un policier s'appelle comme ça. Je trouve que ça ressemble un peu à Rambo, puis ouais, j'aimerais vraiment ça. C'est cool. Ouais. Mais sinon, un fromage puis police. Police. Ah. Je pense que t'as pas compris que c'est une police de caractère. OK. Une police typographique. Ah! Oh, une police! Ah, c'était très drôle, ça. Ah, c'est vraiment drôle. Mais juste quand même une police. D'accord. T'as raison, c'est bien une police de caractère. Une fonte, 66% des gens l'ont eu. Et peut-être que certains gens pensaient que c'était comme... Est-ce que c'est une sorte de fonte comme dans une poêle de fonte aussi? Peut-être que certains gens pensaient ça. Le reste, je vais vous les laisser sur assemblejockey.com. Il y a une parodie de Michael Jackson avec une personne qui fait tous les rôles dans une genre de comédie musicale. En tout cas, c'est drôle d'aller voir ça sur assemblejockey.com. Est-ce qu'il y a une nouvelle pièce de Janet Jackson sur assemblejockey.com? Non. Non. OK. Non. Un hommage à son frère, peut-être? Non, il y a une nouvelle pièce de Janet Jackson, mais... Pas entendu. Je suis sûr que t'as pas mis ça sur... Et tu des voix de police dessus? Pense de fromage? Toi. Non, des voix de fromage, peut-être. Des voix de fromage qui tire de la mitraillette. Ça serait pas pire. Pas pire. Ouais. Ou encore de policiers qui fondent dans une poêle de fonte. Ouais. Avec du fromage gratiné dessus. Je la ris encore depuis lundi, cette blague-là. Les polices, le caractère. K1, come on. Vous êtes à CNX.ca, émission qui compresse toutes les chroniques CNX diffusées dans l'assemblage requis. Ça, c'est du lundi au jeudi de 15h à 17h. La chronique CNX, c'est vers les 15h20, donc soyez-y dès aujourd'hui. Hein, si vous n'avez pas encore écouté, c'est ce soir, 15h. Sinon, mais plus tard dans l'émission, il va y avoir Nouvelles du futur, Utile trucs et le fil. Ce sont les trois autres chroniques qu'on a à aller entendre. Mais avant, regardons un petit peu les jeux les plus vendus sur DS et Nintendo Wii. Pourquoi donc pas la liste? Donc, commençons par la Nintendo DS. Tiens, cinquième position, New Super Mario Brothers. En quatrième, Kingdom Hearts 358/2 Days. En troisième, Mario & Luigi Bowser's Inside Story. En deuxième, Professor Layton and the Diabolical Box. J'adore Professor Layton, c'est super bon. Numéro un, c'est Scribble Nuts. Alors que sur Wii, on retrouve en cinquième New Super Mario Brothers en précommande. Le jeu n'est pas encore sorti, il va sortir avant les fêtes. En quatrième, The Beatles Rock Band. En troisième, Mario Kart Wii. En deuxième, c'est Wii Fit Plus. C'est le jeu le plus vendu sur Nintendo Wii. C'est Wii Sports Resort. On est rendu à la chronique du mardi. Ici à CNX.zip, voici Nouvelles du futur. Mardi. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est les nouvelles du futur. Donc, des choses futuristes, c'est des choses de science et de robotique. Tiens. Commençons avec des scientifiques et des ingénieurs qui travaillent actuellement au développement d'Ares, qui est un robot chirurgien qui pourrait s'assembler dans le corps d'un patient afin d'y réaliser une opération. Ce type de procédé occasionnerait moins de douleurs chez les patients et réduirait le temps d'hospitalisation. Développé par des laboratoires européens, le projet de robot Ares, qui est le Assembling Reconfigurable Endoluminal Surgical System, adopte une approche modulaire pour permettre l'assemblage d'un robot complexe à partir de petits modules qui peuvent être introduits dans le corps par des orifices naturels. Donc, on avale des pièces mécaniques, ça s'assemble en dedans de nous, puis ça nous opère, puis après ça, on l'évacue. C'est incroyable, c'est exactement ça. Donc, dans le cas d'une opération à l'estomac ou à l'intestin, le patient va devoir avaler de 10 à 15 modules robotiques qui vont pouvoir s'assembler grâce à des aimants en

un autre robot. Je suis vraiment sur les robots cette semaine, je sais pas pourquoi, mais bon, ce robot là s'appelle le Taizu, hein. C'est dans le fond le nom en français, si on traduit, ça voudrait dire elephant want. OK, éléphant veut. Je trouve que ça a presque plus de sens, ça rend ça quand même adorable. Donc Taizu, ça veut aussi dire calisthenics. Et c'est un robot avec une tête de plastique dans un habit qui ressemble à un astronaute avec des souliers de clown un peu. Hein. C'est fait pour aider les vieilles personnes à faire de l'exercice. Donc Taizu fait 28 pouces de haut et pèse environ 15 livres. Il peut montrer jusqu'à 30 différents exercices avec des mouvements physiques et même du commentaire là, parlé avec 26 degrés de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire 26 degrés de liberté? Je sais pas, peut-être qu'il peut bouger gauche-droite, sa taille, quelque chose. Il y a un système de reconnaissance vocale. Il peut être contrôlé par télécommande. Il peut fonctionner jusqu'à 2 heures sur une seule charge. C'est fait pour vraiment faire de l'exercice, même assis. Le robot peut être assis et montrer des exercices assis avec les jambes, avec les bras. Ça coûte environ 8 000 $. Ça va être en vente l'année prochaine. Surprenant quand même. C'est quand même un petit peu plus cher qu'un cours d'énergie cardio. Là. À peine. à peine plus cher. Et on va terminer avec celui-là. Tiens, une nouvelle mesure anti-pirate pour les jeux vidéo. D'accord, c'est une nouvelle méthode. C'est dans le jeu Batman Arkham Asylum qui vient juste de sortir, développé par Rocksteady et qui est très populaire en ce moment. Sur les forums de Eidos, quelqu'un a posté un commentaire bien innocent disant que la cape de Batman refusait de s'ouvrir. Hein? Ce qui a permis ce qui devait permettre dans le jeu au Chevalier Noir, hein, de glisser à travers une pièce remplie de gaz empoisonné avec sa cape ouverte. Donc, ça pouvait lui permettre de passer le tableau. Le gars n'était pas capable. Il est allé sur le forum et on lui a répondu, c'est pas un bug, c'est une feature. Donc, c'est fait pour ça, c'est fait pour empêcher les gens, ceux qui ont téléchargé une copie illégalement du jeu, c'est quelque chose qui a été comme mis dans le code, ou je sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, ça détecte que c'est une copie volée et puis ça t'empêche de faire certaines choses dans le jeu qui sont essentielles pour le terminer. Donc, tu peux pas finir le jeu! C'est génial comme façon de faire. Wow. C'est super pas génial pour les joueurs qui veulent pas payer, mais en tout cas, je trouve que en tant que compagnie, que tu veux empêcher les gens de copier tes jeux, au lieu de faire des affaires qui sont super faciles à contourner, comme ce l'est déjà présentement, tu mets des affaires comme ça qui sont vraiment concrètes, qui t'empêchent de finir le jeu. Tu peux le copier ton jeu, mais tu pourras pas le finir. Je trouve ça intelligent de la part des compagnies. Moi, dans leur tête, je suis bien content de ce que j'ai fait. Oui, puis en plus, c'est qu'ils savent pas au départ. Tu peux, je sais pas combien de temps tu peux jouer avant de te rendre compte que tu peux pas le finir. Mais exactement, ce serait vraiment chiant de le faire genre jusqu'au. Ouais. Juste une coche avant la fin. Ça, c'est comme pour rire de toi, tu sais, finalement. Ah ah, tu peux pas. Ça serait le fun si en plus il y avait genre une vidéo d'un gars qui est en train de rire de toi. Tu peux pas finir le jeu. Génial, c'est Rocksteady, c'est juste vraiment brillant, mais tellement chiant. C'était la chronique de mardi, Nouvelle du futur dans CNX.zip, l'émission qui compresse toutes les chroniques CNX diffusées dans Assemblage requis du lundi au jeudi, entre 15h et 17h. Il nous reste les chroniques de mercredi et jeudi, utilise truc et le fil, mais avant ça, voici les nouvelles sorties en magasin pour la semaine du 20 septembre 2009. On commence avec la grosse sortie, celle que tout le monde attendait, Halo 3 ODST sur Xbox 360, ça sort demain, le 22. C'est un shooter à la première personne. Sur PC, on trouve Order of War, qui est un jeu de stratégie en temps réel. Sur PC, Ion Tower of Eternity, un jeu massivement multijoueur. Sur PC aussi, Dungeon Fighter Online, qui est un autre jeu massivement multijoueur. Sur la Wii, tiens, Teenage Mutant Ninja Turtles Smash Up, un jeu d'action à 4 joueurs. Sur PC, Fallen Earth, qui est un autre jeu multijoueur massivement. Shin Megami Tensei Persona sur PSP, pardon, c'est un jeu de rôle. Zombie Apocalypse sort sur Xbox et PlayStation 3, c'est un jeu d'action. Katamari Forever sort sur PlayStation 3. Black College Football Experience, The Doug Williams Edition sur Xbox 360, un jeu de football évidemment. Scooby-Doo First Fright sur Wii, PC, PS2 et DS, pas PC. C'est un PC ou PS2, je comprends pas pourquoi. C'est un jeu d'aventure celui-là. The Price is Right 2010 Edition, un jeu basé sur l'émission de télé, le quiz, sort sur PC, DS et Nintendo Wii. Where's Waldo The Fantastic Journey sort sur PC, Wii, DS et Mac. C'est un jeu d'aventure. Fallout 3 Broken Steel sur PS3, c'est un jeu de rôle. Et finalement, Yumi and the Cubes sur le service WiiWare de la Nintendo Wii. C'est un puzzle. Ça m'intéresse. J'ai envie de jouer à ça, moi. Combinaison de stratégie et d'habileté alors que vous maintenez... C'est un puzzle basé sur la physique. Un jeu d'action puzzle basé sur la physique. C'est bien quand même. Donc, ce sont les nouveautés en magasin pour la semaine du 20 septembre 2009. Plus tard dans l'émission, la chronique CNX de mercredi, utile truc, et celle du jeudi, le film. Mais avant ça, en musique, voici Damien Robitaille et Homme Autonome. Vous êtes à CNX.zip, à C'est Fou 89.1 FM.

Dash.com.